Les ânes de l'autre monde, à Madame Rosanaïs Roumanille. Mais bâtard de sort, monsieur le curé, comment ne voulez-vous pas que l'on grogne quand sont toujours les mêmes qui ne font rien et toujours les mêmes qui travaillent, et quand tout le temps sur les chines, on sent l'écorchure du bas? Prends patience, Bénézé, cette vie n'est qu'un passage, les riches de l'autre monde deviendront les ânes des pauvres. Et l'on pourra choisir, certainement. En ce cas, je retiens le gros Damas, vous savez bien, Damas, qui l'année passée me fit vendre. L'avoir pour âne, jour de Dieu, rien que l'idée seule me console. Mais c'est vrai au moins, qui a dit que dans l'autre monde? Roumanille, le bon Roumanille, alors qu'il était encore sur terre, et qu'il faisait son almanach. Roumanille l'a dit. Ah, ça, c'est parole d'évangile. Grand merci, monsieur le curé. Alors, Bénézé, du courage. Bénézé reprit donc sa pioche, confiant et réconforté.